Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 28 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des accusations réitérées de notre développement d'armement nucléaire par Obama. En voici le résumé. À l'occasion du sommet des sept pays tenu au Japon, Obama a critiqué et calomnié à plusieurs reprises notre République. Il a dit que nous exploitons les armes nucléaires et commettons la provocation de prolifération du nucléaire, que nous sommes l'obstacle suprême dans la réalisation d'un monde sans armes nucléaires, et que notre programme du nucléaire et de missiles balistiques constitue la menace contre la région, les États-Unis et le reste du monde. Ces paroles sont destinées à dissimuler la nature américaine en tant qu'état criminel nucléaire qui a infligé les catastrophes nucléaires à l'humanité et à se débarrasser des critiques de la communauté internationale pour avoir poursuivi en permanence la suprématie mondiale basée sur le nucléaire, tout en se moquant du monde avec l'enseigne d'un monde dénucléarisé. Surtout, c'est le paroxysme de l'effronterie que de parler de dénucléarisation dans le pays où les États-Unis ont largué les bombes nucléaires. Rappelons que l'initiative d'un monde sans armes nucléaires que prétend Obama dès le début de son arrivée au pouvoir vise à affaiblir le potentiel militaire des autres pays tout en développant davantage les moyens de guerre nucléaire de son pays. La politique de double face des États-Unis est actuellement l'objet de condamnation de la communauté internationale et elle est vouée à l'échec. Si les États-Unis s'intéressent réellement à la dénucléarisation du monde, ils doivent tout d'abord abandonner leur nucléaire et ne plus s'aventurer à exercer menaces et chantage nucléaire aux autres pays et nations. Rêver de nous faire abandonner le nucléaire tout en s'obstinant à la politique d'hostilité avec le bâton nucléaire est une chimère telle qu'attendre un poussin d'un œuf dur. Comme nous l'avons déjà proclamé, tant qu'existe la menace nucléaire et le despotisme impérialiste, nous maintiendrons la ligne stratégique de promotion parallèle de l'économie et des armements nucléaires et développerons davantage les armements nucléaires autodéfensifs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Notre République fera également tout son possible pour appliquer honnêtement l'obligation de non-prolifération nucléaire assignée devant la communauté internationale en tant que détenteur nucléaire responsable et réaliser la dénucléarisation du monde. Les États-Unis ont beau recourir à la démagogie dénaturant les faits, ils ne pourront en aucun cas ternir le prestige de notre République, puissance nucléaire de l'indépendance et de la justice.